épaules là où dans tout ça fouffé. À moi-même devant vous, un jour t'as voir. On aura plus besoin d'attendre que la nuit t'a fin tombée pour nous trouver à nous. Tu connais moi tes bases dessus ou sur tout qu'on avait deux mondes, tes petits yaou, et ça que nous veut vivre, jamais va réaliser. Heureusement, n'aime deux, y'aime à nous bien, mais n'a plus aimeré ou à ou prend chemin. Peu importe ça qui dit, à nous-mêmes nous connaît que la roue derrière qui rattrape jamais la roulée devant. Un cosmon malin, pas poussant dans la bouche, un couillon. Moi la vie t'y a tué, un jour t'a voir. Dada nous a dit comment nous l'est. Moi la vie bien j'ai tué un jour ta voix. Reste à tué côté moi t'as trouvé. Y'a tout un jour d'Awa. Garde à nous en dit comment nous l'est. Oh oh. Moi la vie bien j'ai tout un jour d'Awa. Reste à tout écouter moi un jour d'Awa. Qui ça sera là pour épaule là où dans tout ça couvé. À moi même devant vous un jour d'Awa. Nous n'aura plus besoin d'attendre que la nuit de la fin tombe pour nous trouver à nous. Il est vrai, mettez base dessus ou sur tout. Quand la vie de mon, t'es pouti yaou. Que ça que nous veut vivre, jamais va réaliser. Heureusement, l'un d'eux, y'aime à nous bien. Mais n'a plus aimeré ou à au grand chemin. Peu importe ça qui dit, à nous-mêmes nous connaît que la roue derrière, il rattrape jamais la roulée devant. Un cosmon malin, pas poussant dans la bouche, un couillon. Moi, la vie t'y a tué, un jour t'a voir. Gada nous a dit comment nous l'est. Oh oh. Moi la vie bien j'ai tué un jour ta voix. Reste à tué côté moi t'as trouvé ta voix. Moi la vie j'ai tué un jour ta voix. A moi même sera là pour épaule là tout ta voix. Moi la vie j'ai tué un jour ta voix. Reste à tué côté moi t'as trouvé ta voix. Un jour t'as voir.